ma vie, il y a deux types de négros, frère. Les soldats et les tchouins. Choisis ton camp, enfoiré. Ok. Ouais, rebeu, je sais que je peux percer. Ouais, soldat, je sais que je peux crever. Non, négro, viens pas me chercher. Ou ma clique de chéquier va te trouver. On va te trouver, on va te trouver. Ouais, négro, comme NY, on va te trouver. Tous ces bâtards voulaient parler. Chouette, c'est un vers où on leur a montré. Sur la vie marron que tous ces fils de pute qui voulaient parler. Sur nous, négro, on les pèse, pèse. Postiché devant le bloc avant des substances illicites. Rebeu, négro, qui font les jazz, jazz. Illégalement fait des biftons, mais sans prudent, n'oublie pas que la juge veut nous mettre au heads, heads. Illégalement fait des biftons, mais sans prudent, n'oublie pas que la juge veut nous mettre au heads. Je les pèse, pèse, sans coup, gros trapèze, pèse. Je claque mon pèse, elle claque ses fesses. Sur ma boîte de vitesse dans une grosse caisse. À ce qui paraît pour personne, faut du piston. Nique sa mère, je préfère même y grave du pilon. Mon rebeu négro fait mal à tous ces bâtards. Pense à tous tes frères écroués, peine au placard. On s'en bat les coups de ce que tu vends, brasse, bâtard. On s'en bat les coups de ce que tu lèches, canard. T'es négro, canard. T'es rebond, canard. Sur une grosse proie, gros boule ou un gros joint, canard. Négro, j'ai un feu de baiser. 5-9 kills de pur à la pesée dans tes masses au con imbécile. Ton rap français, ouais, je vais le baiser. En français ou en deuxième, mais dans tous les cas, je vais le baiser. Bande d'enfoirés, ça arrive.